Allez, relève-toi, fainéante. Oui, oui. On approche de la zone. On ferait mieux de se dépêcher avant la nuit tombée. Holtzvar nous attend. Cet alien, à la peau verte, n'est vraiment pas des plus fiables. Il n'empêche que c'est grâce à lui si je suis encore en vie. Il m'a sorti de la prison de la planète Celsior. C'est un chic type, bien qu'il soit atypique. Je lui dois énormément. À force de réclamer son aide, c'est à vie que tu finiras par donner. Van, c'est le gars avec qui je fais des missions depuis 2 ans. Je le connais peu malgré tout ce temps à ses côtés. Quant à moi, j'ai été recrutée dans un camp de bandits appelé le camp de la liberté. C'était il y a quelques années alors que j'étais encore une toute jeune chimère. Pour vivre au camp, on m'a assigné des tâches ménagères, puis des missions de traque. Avec mon ouïe développée, j'ai pu réussir à m'intégrer avec succès. Le type qui cherche à aller voir est un scélérat de la pire espèce. Sauf que Van est son code d'honneur, il est très difficile de lui parler en mal de ce cher Oxvar. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a un air reptilien, mais il m'horripile. Bon, il va falloir escalader cette falaise. Fais attention à ne pas glisser. Pour qui me prends-tu, mon petit? Je suis un chat, rappelle-toi. Arcadia, une chimère féline. Je l'ai connue alors que j'étais assignée à faire une mission pour un groupe de mercenaires. Je devais rencontrer un type pour chercher une marchandise importante. Il était accompagné de 10 autres gars qui me tendirent une embuscade. Je pensais à la situation désespérée jusqu'à ce que cette femme arrive, avec 3 autres mecs qui les ont tout bonnement massacrés sans sourciller. Puis, elle m'a tendu la main avec un sourire et j'ai reçu un coup en pleine tête. Depuis ce jour, je fais partie du camp de la liberté. On est tout proche. J'ai ramené un peu d'argent que j'ai mis de côté. Van, ce type se fout de ta gueule. Ça t'a fait au moins 6 ans que tu dois lui faire ses petites affaires. Tu devrais lui dire stop. Même après tout ce temps, j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Je sais me défendre et je n'ai pas besoin de ton avis sur cette situation. Si tu es là, c'est uniquement pour traquer la cible qu'on nous a assignée. Et c'est pour cela qu'on change de trajectoire pour croiser cet alien. Tu ne trouves pas ça étrange qu'il soit reclus aussi loin d'Amadorn? Il a sûrement quelque chose à cacher. Tout autant que toi ou moi, nous avons tous notre petit jardin secret. Reste dehors si tu veux, mais moi j'ai affaire avec lui. Hors de question que je te laisse avec ce type. Je resterai sur mes gardes, mais s'il fait une remarque désobligeante, je l'écorche vif. Comme tu es bien naïve, nous y sommes. Van, mon ami! Comme c'est bon de te revoir. Oh, tu as ramené la femme chat. Je m'appelle Arca... C'est pas tout, mais m'as-tu rapporté ce que je t'avais demandé? Oui, tout est dans ma sacoche. Puis-je rentrer? Pour sûr, pour sûr. Installe-toi confortablement. Voilà donc ta demeure. Fabriquée de toutes pièces par moi-même. Reste un excellent génie manuel, vois-tu. Et tu me fais un cadeau de Xenom? Oh, bien que je vais rarement à Amadorn, cela peut toujours s'avérer utile. Tu es un bon allié, Holtzvar. Sans toi, je croupirais sur Celsior. Je n'ai pas oublié. Un jour, nous serons quittes. Ce n'est pas tout ça, mais j'ai affaire. Très bien. De toute façon, nous avons nous aussi du travail de notre côté. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Van ne vous appartient pas et n'est pas un laquais. Je le déteste, ce type. Et toi, tu m'énerves. Tu ne sais pas dire non alors que t'as une gueule qui fait peur. Ah bah, je te remercie. Non, mais tu ne comprends pas. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. T'as une bonne tête, mais disons que des gens qui ne te connaissent pas n'auraient pas envie de t'enquiquiner. Qu'est-ce qu'il fout de putain? On ne peut pas lui venir en aide. Tu as déjà fait ta part du marché. Et nous, on a une mission. Faut qu'on parte à la traque. Maintenant. Commandant, le processus est lancé. Project Möbius va entamer sa procédure d'acheminement jusqu'à l'artefact. Très bien. Mettez en place la protection du lab. Si nous avons affaire à des personnes peu... recommandables, le lab se chargera d'eux. À vos ordres, commandant. Elvin, prenez en considération les... outils qui ont été mis à disposition pour la flotte impériale. Nous allons bientôt nous rendre sur la planète Exos pour avoir les matières premières manquantes. HLSO a encore quelques modifications à apporter à Möbius. Code de sécurité. 28469. Code correct. Qui souhaitez-vous contacter? Valériane. J'ai d'autres chats à fouetter, Elvin. Le commandant tient à vous remercier pour l'aide apportée du lab. Nous sommes dans le même bateau, ma chère. Mais que Gironimus n'interfère pas avec mes affaires. Le lab tient Möbius et le reste sous contrôle. Nous le savons. Seulement, Project Moebius risque d'attirer les convoitises au sein même de l'Empire. Elvin, j'incarne la toute-puissance économique, politique et même au-delà. Mes bébés agiront quand je leur donnerai l'ordre. Rompez et ne venez plus me faire chier pour si peu. Quelle garce cette gonzesse! Ils en mettent un temps, les petits, pour cette mission. Ils auraient déjà dû tuer la cible. Un sale type qui a tenté de nous rouler. Ce marchand nous doit 1400 xénom. Quel enculé, ce type. Mais c'est pas nous qui nous y collons. Ce n'est pas leur première mission, et ce ne sera pas la dernière. Mais s'ils veulent éviter un sale quart d'heure, car j'aurais entendu qu'ils se seraient arrêtés en route pour boire un verre. Crois-moi, je leur botte leur derrière. Oh, mais sois pas si dur avec eux. Ils sont tout jeunes encore. Mon cher Donovan, là j'importe peu. Dois-je te montrer qui est le patron ici? Non, patron. Ça ira, patron. J'ai une mission pour toi. Des mecs du camp du salut sont à 3 heures de notre position. Je suppose que je suis aux premières loges? T'as tout pigé. Que le jeu commence.